trois quatre petits garçons, t'avais des raisons de travailler à l'école pour obtenir des diplômes. Entre deux, qui te colle, qui parle de la société. Qu'est-ce que t'es intelligent, tu t'y crois intégré. C'est vrai si t'as de l'argent, si t'as de l'argent, si t'as de l'argent, si t'as de l'argent. Rasé, me crème rasé, me déchirer, on va frapper, on va charger, on est armé. Ça fait 20 ans que je suis né, et je suis toujours dans la rue. Il me reste plus que l'armée, mais je ne suis pas un foutu. Bientôt je pointe au chômage, j'ai même pas de quoi bouffer. Est-ce convenable à mon âge d'être ainsi rejeté, d'être ainsi rejeté, d'être ainsi rejeté, d'être ainsi rejeté. Rasé, me crème rasé, me déchirer, pas de métier, j'allais pointer comme un paumé. Plus d'ouvriers, vous allez pouvoir hurler. Plus question de dérober.